Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui, je vous présente pour la première fois en français un nouvel épisode de Random Conversation, où je discute avec Colin et Max, deux amis venus me rendre visite pendant l'été. Ensemble, on discute des coulisses de Let's Talk Venture et de la capacité de diction, de nos souvenirs d'enfance en France ou à l'international, et de la fameuse vitesse illimitée en Allemagne et l'obtention du permis de conduire là-bas. Petit point intéressant à savoir, Max est franco-allemand. C'est donc parti pour ce nouvel épisode, Let's Talk Venture with Random Conversation. Mettre les clés chez toi dedans aussi, comme ça demain, on les a sûrement. Fais gaffe, peut-être la pierre est là. Oh oui. Je l'ai ouverte. Merci. Salut Maxou, salut Colin. Bonjour, bienvenue à la conférence internationale 1912. Bonjour, Tony. Je suis votre allemand. Votre nom est très français. Tu trouves? Moi, je trouve que c'est un prénom... Tony, bah, c'est russe. Non, je trouve que c'est plus international. Je sais, c'est plus un prénom anglais que... Tony, je sais pas, ça peut être français aussi. Ah, vous trouvez? Moi, je me suis toujours trouvé très international, Tony. En fait. Tony, c'est quoi le nom complet de ça? C'est Anthony. Non, c'est Antoine. Antoine. Antoine. Ah, c'est pas Anthony? Non, Tony. C'est Antoine. Du coup, tu t'appelles Antoine en vrai ou... C'est ça, ouais. Okay. Enfin, l'origine de Tony, c'est Antoine, pour mais les Français. Sur ton passeport, il y a écrit Tony. Ouais. Oui. Mais okay. En fait, moi, je pense, enfin, de ce que j'ai compris, Tony, c'est la version anglaise de Antoine. C'était beau, là. Ouais. C'est comme Pierre, en anglais, se dit William. Non, c'est Peter. Oui, mais il y a un truc, il faut échanger comme ça. Avec Peter. C'est... Pierre, c'est Peter. Ouais. Mais Peter et Pierre, c'est exactement le même truc. C'est ça. Sauf que. Ou c'est Guillaume, Tony, alors c'est le William. Raccourci, tu vois, de Antoine, alors. Non, je comprends, pour moi, c'est la version anglaise de Antoine. Laquelle? Tony. Ah, je sais pas. Parce que Antoine en anglais, c'est Anton. Quelque chose comme ça. Bah, c'est du pas coup, Tony. Oui. C'est Antoine. Ouais, ok, c'est le raccourci en anglais, voilà. Du coup, en français, on devrait t'appeler Toine. Salut Toine. Salut Toine. Hé hey, Toine, viens par ici. Hé hey, Toine. Ah. Ah putain, Toine, il a pas réussi à venir. Twain. Tu connais Shania Twain? Non. Tum, let's go guys. Ah, c'est ouais. Ça. Ouais. Je connais. J'ai perdu mes feuilles. Oh, t'en as manqué un très bon. Ah putain, à chaque fois que... C'est comme tout à l'heure dans la voiture. On était en train de rouler, tout d'un coup il y a un coup de vent, il y a tous mes cheveux qui vont sur mes yeux. Et là il y a un énorme éclair, le plus beau de tous. Et... J'ai loupé. Juste parce que le destin a voulu que je ne le voie pas. Le karma. Qu'est-ce que t'as fait au karma? Des beaux qui sont passés derrière. Je me suis un peu foutu de sa gueule, peut-être. Wow. Oh, putain. Ouais, ça c'est ouf. Hein. Alors pour les auditeurs du coup qui ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de faire, on est dehors en train de regarder des éclairs en fait. De loin. Donc de toi nous nous raconte. En fait là du coup vous êtes la parce que j'ai différents formats sur ce podcast. J'ai les interviews avec les personnes françaises, les interviews avec les personnes anglaises et ce que j'appelle en fait les random conversations. Bon, en fait, il y a de tout et n'importe quoi. Non, il y a quand même, c'est un peu structuré quand même. C'est... Mais tu retouches après les, ouais, les audios. Ouais. Si jamais il y a des blancs, si jamais il y a des... Des trucs que tu n'as pas envie de passer et tout. Si, en général, je trouve que tout est intéressant en fait. Mais il y a si... des choses, des gens qui peuvent dire des gaffes ou des choses que tu n'as pas forcément envie de diffuser, tu vois, je sais pas. Ouais, des trucs sur ta vie personnelle ou... Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a demandé de faire de l'édition sur, en disant « Ah non, ça Non, mais toi-même, tu as peut-être voulu censurer certains trucs que toi-même tu disais, tu vois. Ouais, j'utilise beaucoup cette onomatopée de ça, je sais que j'utilise beaucoup. Et sans trop y réfléchir, mais j'y travaille. C'est bien de se réécouter pour mieux pouvoir parler après. Mais c'est toujours très perturbant. C'est important de se réécouter pour apprendre de aussi parler en grand public si vous avez des présentations. Ouais. Des comme j'avais une meuf dans ma classe, dès qu'elle parlait anglais, qu'elle faisait une présentation, ouais, elle disait « so, so, so ». Elle le disait à chaque demi-phrase. T'es sûr que c'est pas toi, ça? Non. Je l'ai dit presque. J'aurais presque cru. Hein. Mais honnêtement, le truc, c'est si tu présentes et tu as beaucoup de a, so, et tu prends longtemps pour et tu prononces un bruit sans que ça donne un mot, on va dire. Ça coupe. Non, c'est, ça perturbe. Ça te donne l'image d'être stupide ou de ne pas maîtriser la langue. Pourtant, si tu parles la même manière, avec les mêmes gaps, avec les mêmes espaces mais sans rien dire, peut donner l'image d'être très intelligent. Ouais. Tu vois, ben, c'est une maîtrise. Quelqu'un en fait qui réfléchit beaucoup, quels mots il va utiliser. Pourtant, les personnes qui font des bruits pendant ces pauses, c'est juste des réflexes, des tics, tu vois. Ouais, c'est ça. De réflexion. C'est le fameux nigger en Chine. Ah, ouais, oui, nigger. Mais ça me faisait tellement rire, ça. Nigger. Qu'est-ce que ça veut dire, nigger? Non, mais vraiment, en plus, j'avais demandé à ma prof de chinois. Je lui ai dit, il y a un mot que tout le monde dit tout le temps et que je ne comprends pas. Et que j'ai... Et que... J'ai cherché dans le dictionnaire le traducteur, je n'arrive pas à trouver. C'est quand du coup les Chinois disent nigga. Et là, elle a dû rigoler. Fondue la poire et. Ouais. Très belle expression française. Et elle m'a expliqué du coup, c'est le fameux onomatopée de réflexion. Et ce que j'aime trop aussi, c'est que même les Anglais, tu vois, ou les Américains ont ce tic-là de réfléchir pendant les interviews. Oh là là, ça fait peur. Ça, c'est des explosions. Il fait vraiment peur. Et j'ai l'impression que le nuage, il recouvre une partie de la montagne par là-bas. Ouais. Déjà sur la route, je voyais pas genre les montagnes en face, tu vois. On les voit pas trop. Mais franchement, tu vois, avec les températures qu'on a eues hier et aujourd'hui, c'est normal, c'est pas étonnant. Il fallait que ça craque. Ouais. Demain, il fait beaucoup plus frais. Je crois qu'il fait 28. Ouais, c'est ça. Oh, enfin. C'est 10 degrés de moins quand même. Attends, je vais regarder. J'ai loupé un éclair, je suis sûre. On attend ciel. Divertis-nous, voilà, c'est ça. Oh, les chauves-souris, j'adore les chauves-souris. Les gars, il fait que 16. Tu devrais venir rendre visite à mon grand-père. Il fait 20 degrés de moins que cet après-midi. Demain ? Comment ça vous vient d'où, en fait, cette passion pour aller regarder les éclairs dehors ? Je sais pas, depuis... Ouais, crois ça, c'est un petit peu comme des feux d'artifice, mais naturel, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Moi, c'était... Il y a les flics ! Courir. Non, moi c'était quand j'étais petite, j'avais peur de l'orage. Dès qu'il y avait un orage, ma mère elle venait genre dormir avec moi ou des trucs comme ça. Mmh. Et après, quand on a grandi, quand il y avait un orage, genre on ouvrait à la fenêtre, ma soeur, moi et ma mère, on se mettait à la fenêtre, on regardait. Genre. Oh. Et avec ma soeur aussi, genre quand on jouait dehors et qu'il se mettait à pleuvoir avec les orages, on faisait une danse de l'orage. Genre, genre on invoquait le dieu indien. Amérindien pour avoir un orage, genre tu vois, on faisait la danse de la pluie, voilà. C'est génial. Jusqu'à ce que ça pète et qu'on rentre, qu'on s'abrite. C'est génial. Vous avez quel âge à l'époque? Je sais pas, peut-être 8 ans, 6 ans. C'est le bel âge. Ouais, c'est l'âge où tu fais un peu, tu cours encore partout dans le jardin où t'es plus dehors qu'à l'intérieur. Ah ouais, c'est ça. Tu connais Kian Kojandi? Non. Qui? Kian Kojandi. Non, c'est quoi? C'est l'acteur et le réalisateur aussi qui a écrit Bref. Ah oui! Ah ouais, oui. Si, je connais. Donc ce fameux mec chauve et tout, moi il s'est écrit lui-même comme étant chauve. Et en fait là, il a fait un spectacle il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pulsion, qu'il a mis en entier sur YouTube. Ouais. Ce qui est un très bon move, tu vois, parce que je trouve ça très cool d'être aussi open source, on va dire. Mm-hmm. Et. Ce fameux. Et il a tout un pan de son spectacle en fait sur son enfance et sur l'explication en quelque sorte des pulsions. Il commence à pleuvoir là par contre. Ouais. Et en fait du coup, il était beau celui-là. Il disait, il a une très belle explication comme quoi il dit t'es tout le temps heureux en fait quand t'es gosse. Mais en fait, c'est peut-être parce que tu cours tout le temps et que tu développes tout le temps des endorphines en fait. Tu développes toi-même tes drogues naturelles pour être heureux, pour être content. Ouais. C'est ta réaction droguée en fait quand t'es enfant. C'est tu cours 3 heures, tu fais du vélo 3 heures, et après t'as les gens qui te demandent Mais pourquoi tu fais autant de vélo? J'en ai un. Mais c'est surtout que t'as pas genre d'obligation, ouais. De, t'avais pas non plus, on n'avait pas l'ordinateur, le téléphone, et genre on jouait qu'avec notre imagination, tu vois. Est-ce que tu n'es pas en train d'assumer que c'était mieux avant? Bah non, c'est juste différent, c'est juste une époque où Je crois tu découvres un peu en fait, tu vois. Parce que chaque génération de ta vie, chaque période de ta vie va avoir ses montagnes et ses vallées. Et je suis sûr, tu vas trouver autant de bonheur quand t'étais enfant comme quand t'étais adulte. Ah, je sais pas, moi je pense que t'as quand même pas mal d'adultes qui ne sont plus si heureux que ça au final aujourd'hui. Non, parce qu'ils se coincent dans un cycle. C'est ça. Boulot, dodo, vie de famille, vie de fait. Tu vois, comme enfant, c'est pas à toi de réaliser ta vie, c'est tes parents qui donnent un truc, ils te guident, cadre, ils te guident. Voilà. Après, comme adulte, tu peux devenir très triste parce que, comme enfant, tu t'es habitué à avoir ton fantaisie qui est assez vite, t'es ressorti de ça. Mais je dis, moi, comme enfant, je crois, dès l'école, j'étais moins heureux. Genre pendant mon temps d'école, j'étais moins heureux que pendant mon temps où, après d'école, tu vois. Pendant l'école, je me suis beaucoup ennuyé. Et même en primaire, quand t'étais tout petit. Tout le temps presque. Enfin, moi, parce que j'allais courir. Prison quand même. Tu es limité en nombre de jouets, manière comment tu veux jouer. Tu peux pas sortir genre juste dans une plaine ouverte et. Ce que tu veux, tu vois. Toi quand tu étais en école, tu étais. Donc ta primaire, tu l'as fait en Angleterre ou en France? En Angleterre, D'accord, ouais. Primaire, même le kindergarten, j'ai fait en Angleterre, comment on dit ça en français? La maternelle, j'ai fait en Angleterre. Ouais. Tu peux m'expliquer du coup le système éducatif anglais? Parce que je suis pas trop sûr de connaître. C'est. C'est exactement la même chose qu'en France ou pas en fait. Je crois que chaque pays a sa manière d'éduquer ses enfants. Anglais, je ne peux pas vraiment dire parce que moi, j'ai fait que mes premières 3 années d'école en Angleterre et après, avec mes parents, j'ai bougé à Munich pour continuer l'école en Allemagne. Ouais. Mais voilà. Tu n'as pas trop galéré avec la langue une fois arrivé en Allemagne? Honnêtement, grâce à ma mère allemande, j'ai pu parler allemand. Ah. Le seul truc, c'est quand tu grandisses dans un autre pays, qui n'est pas le tien, et à travers tes parents, tu apprends ta langue maternelle, tu vas quand même pouvoir bien la parler, mais si tu es dans ton pays d'origine, de retour, et ça pour la première fois, tu vas voir, ceux qui ont grandi vraiment avec la langue, ils savent parler mieux. Après, l'avantage d'être grandi en Angleterre, mais à la maison on a parlé français et allemand, c'est bien sûr que je sais très bien maîtriser les 3 langues finalement. Mais tu trouves que ça donne des facilités pour apprendre d'autres langues ou pas? Si. Je vois, regarde rien pour le chinois, j'étais dans un grand avantage à mes camarades de classe parce que ton cerveau il est entraîné à apprendre plus facilement une autre langue. C'est pas que ça. Tu regardes le chinois, il y a des aspects allemands et il y a des aspects français. Regarde les tonalités, c'est un truc que tu vas pas voir en français, en anglais ou ni en allemand. Mais en français, tu as des accents aigus et tu as des accents graves. Ouais. Tu vois, c'est un truc que d'autres langues, tu ne vas pas entraîner. Ouais, mais nous, on ne les utilise pas de la même manière que les Chinois. Bien sûr, mais pour prononcer, les Français, ils ont un avantage aux Allemands et aux Anglais. On va peut-être rentrer là, non? Oui, vas-y, on rentre tranquillo. Petite pause dans le podcast. C'est parti. Mais oui, elle est là, ta boule noire. Tu l'appelles. C'est une vieille habitude, du coup, de dormir avec les boules caisses depuis mon année en prépa, où en fait on était 4 mecs dans une chambre, dont 2 ronflaient comme des tracteurs. Ah là là. Ah ouais. Ah, je comprends. Ouais. Mais tu vois, moi et un ami à moi, Guillaume, on s'est aussi avec Gaëtan, on s'est dit. Tu peux pas venir? Ouais, bon, je suis proche, mais là j'étais bizarre. on s'est dit, si jamais un des autres gonfle, on leur tape avec les coussins dessus. Désolé. Ah là là. Ah, Winry. Les pauvres petites guitares. T'en fais souvent ou pas? Non, ça fait des années que j'en ai plus fait. C'est la vraiment. Nostalgie. Je ouais. peux pas lâcher, c'est comme moi les ukulélés. Je peux pas me lâcher, j'en joue. Putain, tout. Mais tu sais que là j'ai failli ramener un ukulélé depuis mon retour la semaine dernière. Gros éclair. Ouais. Tu sais alors jouer l'ukulélé, c'est facile. Hein. Non, je l'ai piqué à un pote en fait. Ah ouais, ouais. Non, mais si tu sais jouer la guitare, tu apprends ça à toute vitesse. Pauvre guitare. Tu sais qu'on est en sécurité dans la maison. Hein. J'ai pas peur des éclairs, mais j'ai peur du bruit. J'en ai parlé avec une fille il y a pas longtemps de ça. Je sais pas. Alors, là, alors, est-ce que tu peux me décrire le ressenti que t'as dans ton corps à ce moment-là? Je sais pas. Est-ce que tu ressens une espèce d'onde de choc qui traverse le corps? Non. Merde. C'est juste le grondement, je sais pas, ça me fait peur. Ok. Parce que du coup, moi, j'avais essayé de lui expliquer ça. C'est, elle me disait qu'elle avait peur des feux d'artifice, des coups de feu et des éclairs. Le bruit, quoi. Ouais. Voilà. Quand j'étais petite, j'avais peur des feux d'artifice. À cause du bruit, justement. Ouais. Et en fait, moi, j'ai essayé de scientifiser ça. C'est juste psychologique. Non, c'est pas psychologique, c'est physique. Vraiment, c'est... Je sais pas si t'as déjà vu c'est des vidéos d'explosion, en fait, où t'as cette espèce d'onde de choc qui se propage. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est cette sensation physique d'être traversé par une onde de choc, en fait, qui rend le truc très désagréable. Moi, j'aime bien, même si c'est dangereux. Mais je pense que... Ça peut vite faire péter les oreilles, hein. Ben même, ça peut tuer quelqu'un, l'onde de choc d'une explosion. C'est pour ça que les gens ils disent « Ouais, la grenade, elle a pas fait de flamme, elle a pas fait de grosse explosion. Ça tue facilement quelqu'un, une grenade très courte portée. » Ouais, ça t'expulse quoi, non? Ben, ça te... Ça te déchire, plutôt. Ouais, c'est... Ça te déchire, plutôt. Et surtout, les grenades, souvent, même si tu trouves... 2 mètres de la grenade, de l'explosion, tu vas pas nécessairement être déchiqueté à l'extérieur, la peau elle peut être encore en plein, genre tu vas avoir un bleu par exemple, mais tu vas avoir des déchiquetements dans l'intérieur, dans tes poumons, dans tes intestins. Là où c'est plus fin. C'est en fait vraiment c'est le principe de l'onde de choc en fait qui crée une pressurisation de l'air en fait qui se propage comme ça d'un seul coup. C'est, tu sais de tu as de l'eau qui est plate de manière un peu impossible et tu mets juste une onde de choc comme ça et tu vois le truc qui se propage. C'est exactement la même chose qui se passe en 3 dimensions dans l'air en fait. Au lieu que ce soit un cercle, c'est une sphère, voilà. Et c'est exactement la même chose qui se passe et du coup quand tu es traversé par un truc comme ça, c'est exactement le principe que si tu prends une vague en fait dans de l'eau, sauf qu'au lieu que ce soit en 2D, c'est en 3D et c'est à plat comme ça et c'est en fait tout ton corps et tous tes organes qui se prennent un coup de batte de baseball ou quelque chose du genre en fait. Non mais moi c'est juste le bruit, je sais pas, mais ça me fascine et en même temps T'as déjà été proche d'un feu d'artifice très très proche et du coup tu ressens vraiment ces ondes de choc? Ouais, bien sûr. Bah c'est exactement ça en fait. Tu vois en Allemagne tout le monde a le droit de faire... On l'a lu tout à l'heure un peu. C'est vrai? Ouais. En fait, on est allé au lac, on voulait le lire, mais au final, on n'a pas réussi à trouver une plage. En Allemagne, tout le monde a le droit, pour la Saint-Sylvestre, d'aller dans le magasin. C'est des magasins de jouets, supermarchés. Il va y avoir une énorme explosion, là. Quoi? Je me prépare. Il y a un éclair. Très beau. Ah, ok. Vous voyez beaucoup par là ou... On voit juste une énorme masse de lumière. Ok. Ça va. C'est le bruit du déchirement qui fait... Et comme tout le monde peut en acheter, bah, tout le monde se la met. Voilà, c'est le seul jour où c'est légal d'envoyer tellement que tu veux. Il y a des jours... Ah, des feux d'artifice. Des feux d'artifice. Tu peux en acheter Ben, c'est un peu comme nous le 14 juillet en fait. Ouais, mais sauf qu'en fait, je pense qu'on s'est calmé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Le 14 juillet, vous n'avez pas le droit d'acheter. Non. Si, on a le droit de les faire péter. On a le droit de les faire exploser. C'est des petits, par contre. On n'a pas le droit d'avoir des gros trucs. Les pétards, on a le droit, tu vois. C'est ça. Mais je voilà, crois que c'est de plus. Je crois qu'il y a des lois qui sont passées de moins en moins. Voilà, c'est ça. Pendant qu'en Allemagne, c'est comme les autoroutes à vitesse illimitée, ça passe pas, tu vois. S'il y a quelqu'un qui essaie de changer cette loi, il va perdre beaucoup de popularité et du coup, il touche pas à ça. Et c'est aussi un... Mais il y a des gens, du coup, qui veulent changer cette loi sur les autoroutes à vitesse limitée. Ouais, ah bon ? Il veut réduire à 120. Même pas 130 ? Même pas 130. Moi, j'aurais dit, honnêtement, réduisez-la à 160, parce que là, les Allemands, ils seront OK avec. Tu vois, il y a peu d'Allemands qui vont au-dessus de 160. Ouais. Ce sont toujours ceux qui vont au-dessus de ça qui créent après des grosses accidents. Ouais, mais le problème, c'est que si tu mets une route à 160, les gens vont peut-être se sentir obligés de rouler à 160. Ils vont être plus poussés à rouler à 160. Je sais pas comment dire. C'est comme si tu vois un panneau Tu vas aller 90 km/h, même s'il y a un gros virage comme ça, tu dis 90 km/h. Mais est-ce que c'est pas plus mal en fait? Parce que. Moi, je me dis, c'est mieux comme ça, parce que comme ça, les gens qui roulent vraiment à 200 à l'heure, ou même il y a des gens qui roulent à 250 à l'heure sur l'autoroute allemande, enfin, on pourrait les flasher, tu vois. Enfin, on pourrait leur dire, ça marche pas. On peut rouler vite en Allemagne, mais pas à une vitesse où tu vas tuer tout le monde sur l'autoroute une fois que tu fais un crash. Ouais. Parce que à une vitesse de 200, le truc, c'est il faut juste que tu touches un petit peu une autre voiture. Ça fait un dégât énorme. Ouais. Pendant que si tu fais ça encore à 150, ça va. C'est pas idéal, on va dire. Ouais. Mais ça va. Ça fait moins mais c'est surtout, même je pense, de manière réglementaire, c'est moins dangereux que tout le monde roule à 160 plutôt que t'en as qui roule à 160, t'en as qui roule à 200, t'en as qui roule à 130. Ça, c'est dangereux, ça. Ouais, c'est ça. Bah, tout dépend combien de voies il y a, tu vois. Genre. Il y a deux. Trois voies. Ouais, mais même il y a c'est deux normalement. Okay. Et ouais, c'est limite quand même. Après, j'avoue, moi, à chaque fois que je retourne en Allemagne, je kiffe. Je donne tout ce que ma bagnole peut faire. Et... T'es allé à combien au maximum, toi? Avec la voiture que j'ai là, c'est 160. Ouais. Avec l'autre, j'ai réussi une fois 180. Ouais. Et plus que 180, honnêtement, je n'irai pas sur une autoroute, même si les conditions sont bonnes, il n'y a personne dessus. Ouais. Perso, je trouve que c'est déjà une vitesse hyper flippant. Très, très, très bien préparé, toi. Ouais. Genre, tout au de ça, déjà, tu dois être formé, je dirais. Mm. Parce que, après, et même ces vitesses, je les ai fait pendant la nuit, tu vois. Je les ai fait pendant la nuit à 3h le matin. Je me suis fait un délire, tu vois. Mmh. C'est pas un truc pendant la journée, je vais faire ça. Parce que pendant la journée, tu vas voir beaucoup trop de gens qui vont à droite, à gauche, qui vont essayer de faire des trucs. Ouais. Parce que si t'as une 4 voies, bah, soit t'es sur la droite, et là, les gens en moyenne, ils conduisent à 100, à 110, je dirais. Parce qu'il y a aussi, comme en France, comme ici, comme en Allemagne, des vieilles mamies, des papilles. Ou des personnes qui ont des voitures normales et qui ne peuvent pas aller à 130. Pendant que sur la voie gauche, tu as tout. Tu vois, il y a des gens qui roulent à 130, à 150, 120. C'est là que tous les accidents se passent parce qu'il y a des gens qui se tiennent pour très important et ils vont foncer, ils vont dire il va arriver. Le mec il va tout de suite rabattre. Ça c'est leur logique, tu vois. Mais c'est pas souvent pas le cas. Et... Pourtant, en Europe, on a le taux d'accident. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. J'allais venir dessus. C'est vous avez la limitation illimitée et pourtant c'est pas comparé à la France. Ouais. Je sais pas pourquoi en fait. Parce que chez nous, c'est plus sévère de recevoir ton permis. En Allemagne, c'est presque impossible. C'est vrai? Ouais. Wow. J'ai accès sévère ici, alors... Ah non, la France est facile. Quoi? Tous mes amis qui habitent en Allemagne, à Saarbrück, ils font leur permis en France. Parce que Saarbrück, c'est à la frontière. D'accord. Tu fais une demi-heure à la frontière française. ils font leur permis en France parce que c'est plus facile. Mais du coup, c'est quoi les épreuves pour passer le permis en Allemagne? C'est théorie et c'est pratique. Tu fais conduite comme chez vous, mais c'est beaucoup plus sévère. Ah ouais, ouais. Donc t'as pas le droit à la moindre erreur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, faut faire un... En gros, c'est... nous, en fait, c'est des points, tu sais, pendant la conduite. C'est des points pendant le code et c'est des points pendant la conduite. Donc en fait, on a 40 questions. Ouais. Il faut avoir un minimum de 40 questions. Ça, c'est pour la partie théorie. Voilà. Et, nous, on a 200. 200 ? Nous, on a 200. On doit apprendre 200. Attends, on a 200 questions et on a... On peut les apprendre, on avance, tu vois, on a des sur l'ordinateur, t'as un programme et t'as la question qui s'affiche. T'as droit à combien de fautes? 10. Ça va, du coup, tu vois. T'as droit quand à... même, hein. Nous, on a le... Ouais, c'est en 40, gros, c'est en, ça équivaut à un 48. On a le droit à 3 fautes, je crois. Voilà. Non, il y a droit à 5. 5, ok, 5. Ouais, maintenant... Bah là, ça équivaut à ça, c'est, t'as droit à 2 fautes sur 40 questions. C'est à peu près... voir une faute. Ouais. Je crois que c'est juste la masse, tu vois. Après, là, t'as 195e question, t'es juste là. Okay. Tu deviens un petit peu un légume, tu vois. Ouais, totalement. Ah, la concentration que tu dois avoir et tout. Voilà. Et en plus, il faut le faire vite. T'as 15 ou 20 minutes pour les faire. Parce que nous, c'est tout le monde est dans une salle, t'as un... T'as que 15 ou 20 minutes pour faire 200 questions? Ouais. C'est vraiment un truc où tu dois être réactif, tu vois. Parce que nous, c'est pas du tout ça. Hein. C'est dans une salle, tout le monde a la même vidéo et doit répondre en même temps à la question. Ah ouais? Non. Chacun est un ordinateur. L'ordinateur te sort des différentes questions. Et, et tu peux apprendre une base de 5000 ou 6000 de questions, tu vois. Oh là là. Du coup, moi, je me suis tapé la théorie intensivement pendant 2 semaines. J'avais des cours de 6 heures. Ouais. Et je me suis tapé ça d'un coup, tu vois. Ouais. Pendant que la pratique, j'ai fait. Okay. Bah, tu dois avoir les cours de base, tu vois. Il te donne. Il te dit il faut faire au moins 3 fois 5 heures de nuit. 3 heures à 5 heures de nuit. Ah, vous faites des cours de nuit aussi? On fait des cours de nuit. On fait des cours. Il faut faire la ville. Ouais. Congestion, ouais. heure de pointe, voilà. Ouais. Oh putain, c'est plus sévère, j'avoue. Hein. Il faut faire, si possible, des conduites en montagne ou sur le pays, des petits chemins. Ça veut dire que tu dois aller super loin, en fait. Si t'es dans un endroit où t'as pas du tout de montagne, tu fais comment? Non, mais ça c'est s'il y a moyen. Sinon, tu sors de Berlin et tu vas sur le pays, tu vois. Tu vas de Rennes jusqu'à Mordor-Bretagne, un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, il faut faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Et un truc que je trouvais drôle. En Allemagne, tu es partie du test pratique. C'est de te garer en moins que 10 secondes. Mais non! 10 secondes pour te garer. Mais non! C'est vraiment, tu apprends... Moi, j'avais un cours, une séance avec mon prof, où je me garais que. C'était le seul truc que je faisais. Je sortais de ma place de parking à la rue, j'avançais 10 mètres, et parce que ce que tu dois apprendre, c'est, tu vois, le garer en arrière, tu vois. Ouais. Parce que si tu gares en avant, tu vas galérer. Ouais. Non, il faut garer en tu avant. Tu parles le créneau, là. Quoi? Le créneau? Le créneau, là, tu parles. Ouais, comment? C'est le créneau que tu dois faire en 10 secondes. Ouais, le voilà, en 10 secondes. Et il faut être garé parfait. Le créneau, c'est dur en plus. Si tu te gares plus que 15 cm du bord, perdu. Si tu te gares plus proche que 10 cm, si t'es 10 cm trop devant ou trop derrière. Parce que en Allemagne, si tu te rapproches 10 cm à l'autre, ça veut dire que tu l'as garé dedans. Ouais. Et l'autre peut venir appeler le dépanneur pour te faire partir. Mais non! Oh, si tu regardes, s'il y a quelqu'un qui est 10 cm, à moins de 10 cm devant toi et à moins de 10 cm derrière toi, tu peux faire les deux dépanner et te libérer comme ça, tranquillou. Il faut juste que tu vises. et le faire partir. Tu vois. Ah, oh, c'est chaud. C'est ouf, hein. Ouais. Et en plus, je connais des gens à qui c'est déjà arrivé, ça. Ou qui l'ont déjà fait. Ouais. Tu vois. Mais j'ai... Après, je trouve ça bien, parce que comme ça, les gens, ils tirent un minimum de distance. Comme ça, tu peux encore sortir. Si t'es à 5 et 5 cm, comment moi, tu veux moi, sortir je trouve de la voiture. Tu vois, ça peut être faux. Des personnes, tu sais, je vois cette mentalité française de... C'est toi qui te gares à moins de 15 cm et après t'appelles tout de suite pour dire ouais, c'est lui qui s'est garé avant ouais, après ça. Moi, dégagez-le. Ouais, mais dans ce cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'est aussi garé derrière toi. Tu vois. Ah. Si quelqu'un et s'il n'y a personne derrière toi, ça compte pas. Ah, et, okay, ouais. Et il faut que si tu te déplaces entre les deux. Regarde, par exemple, la personne devant toi, il a que 5 cm de distance, mais la personne derrière toi a 15 cm de distance. Ah, c'est vrai. Ça fait deux fois, ça fait ensemble 20, et dans ce cas, ça marche pas. Ouais. Ah, okay, ouais. Okay. Mais si tu regardes la personne devant toi à 10 cm et la personne derrière toi à 5 cm, tu peux faire dépanner la personne derrière toi, tu vois. C'est fourbe, quand même. Et du coup, j'ai une autre question. Ouais. C'est quand même toi qui choisis l'endroit où tu vas te garer pendant ton épreuve, c'est pas le moniteur qui te dit. Moi, c'était le moniteur qui m'a dit où vous garer ici. Ouais, c'est ça. Putain, c'est ça. Mais j'imagine. Enfin, t'imagines. Moi, le... c'est pas ça qui. Si, peut-être. Enfin, de souvenir. Non, j'ai eu la chance de pas avoir à faire de créneau. Donc ça va. Mais. Je sais plus, peut-être que j'avais dû. Non, j'avais pas eu à faire de créneau. J'avais dû faire un rangement en épi et un demi-tour en deux coups, tu sais. Moi, c'est un rangement en bataille et une marche arrière le long d'un trottoir. Ça, c'est tranquille, ça. Ouais, c'est pour ça. Donc, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Après, j'ai passé deux fois, mon cœur. Ah. Moi, j'ai réussi chaque fois. Première. Ouais, moi, je l'avais pas eu à quelques points près, tu vois, genre n'importe quoi. Par contre, ma théorie, je l'ai réussi avec 10 fautes, tu vois. Moi, 3 fautes. 10 fautes. Ah, mais tu l'as passé en France, ou bien Non, en Allemagne. Mais oui, t'as dit que t'avais le droit à 10 fautes, c'est 10 ça. 10 fautes, voilà. C'est ça. Donc t'as eu le minimum, réussi. Ouais. J'ai réussi. Ouais. Et après, t'as eu, pendant ta conduite, tu sais, t'as eu le droit. Enfin, ils t'ont fait que deux manœuvres. Genre, t'ont pas fait un créneau, un rangement bataille, un demi-tour. Non, genre, ils ont choisi. Ce qu'ils m'ont fait, c'est j'ai dû me garer une fois. J'ai dû. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire de la ville. Conduite en ville. J'ai dû faire la conduite autoroute, un petit peu de campagne. Après, c'était plus ou moins ça. Tranquille, quoi. Et du coup, elle dure combien de temps, l'épreuve pratique? L'épreuve pratique dure 45 minutes. Ouais. Comme nous. Ouais, pareil. C'est 45 minutes. Et Inès, elle a réussi à l'avoir du premier coup. Ouais, mais Inès, elle l'a fait beaucoup plus tard que moi. Moi, je l'ai fait avec 16 ans. Ouais, non, mais comme elle avait un peu de mal avec les créneaux. ouais, grave. Je suis pas sûr. Inès, c'est ta sœur, c'est ça? C'est ma sœur, ouais. Non, par contre, le truc, c'est... Moi, je crois que ma sœur, elle avait pas un prof qui était assez sévère avec elle. Ok. Et du coup, quand elle était relâchée... Relâchée avec un permis. Non, mais tu sais que c'était moi, limite, hein. Le jour où j'ai eu mon permis, à peu près pendant un an, j'ai pas fait de créneau. Non, mais je parle pas de créneau, je parle de conduite en général. Ouais. Tout d'un coup, il y avait plus personne. Je crois qu'elle s'est trop habituée si elle fait une faute, qu'il y a quelqu'un qui va freiner pour elle, genre en mode plein dessus. Ah. Et du coup, moi et ma mère, on gueulait tout le temps sur elle quand elle conduisait. Elle respectait pas la priorité droite, ouais. Si elle faisait des trucs qu'il fallait pas faire, tu vois. Ben moi, c'était la même chose avec ma soeur, des fois, tu vois, quand elle venait juste d'avoir son permis. Donc, maintenant, elle conduit bien, mais avant, c'était la catastrophe, tu vois. C'est pareil, nous, en France, on a cette espèce de machin qui s'appelle le permis accéléré, en fait. Ouais. Pendant, normalement, un permis, en France, il faut prendre à peu près minimum... 30 heures. Non, mais non, en termes de mois. En termes de mois, ça prend. Non, c'est en termes d'heures, non, c'est toi après qui dis. Ouais, ouais, mais après, ça dépend de la capacité de l'auto-école pour pouvoir répartir les heures, ouais. En fait. Et du coup, ça peut. C'est deux heures par semaine, donc. C'est ça, ouais. De. Ah, c'est 20 heures de route que vous devez minimum. Faire. Minimum. 20 ouais. ou 21, on 22. La moyenne... Moi, j'ai dû faire 40 en minimum, je ouais. crois, ou même 50. Mais la moyenne, du coup, en France, ça tourne autour de 25 ou 28 heures de conduite, en ouais. fait. Ouais. Et t'as la possibilité, en fait, donc ça, à répartir, tu vois, déjà avoir le code, donc la théorie et la pratique, ça met en moyenne, allez, 4... Non, même plus longtemps. 6 mois, c'est la moyenne à peu près. Moi, j'ai mis un an pour mon code ouais. et un an pour mon permis. Et t'en as d'autres, tu vois, qui réussissent à avoir leur permis en juste 2 mois, tu vois. Ouais. Et donc, t'as cette formule-là qui s'appelle le permis accéléré, en fait. Ouais. Vraiment, pendant 2 mois, tu vis au rythme d'apprendre à conduire, en fait. T'as la théorie, en même temps, t'as la pratique. Tu fais les deux en même temps. T'apprends avec plein de monde en même temps à conduire et... Tu passes des 6 heures à chaque fois dans la voiture, soit c'est toi qui conduis, et ensuite c'est les autres personnes qui conduisent à ta place. Et il faut que tu restes attentif en disant « Ok, là, à ce moment-là, il faut réagir de telle manière, de telle manière. » Et ma sœur, du coup, elle a fait ça. Et c'est bien pour avoir son permis, mais à long terme, c'est pas ce qui est le mieux, tu vois, parce que c'est trop vite pour choper les bonnes habitudes, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec toi, je trouve. Ouais. Parce que moi, je l'ai fait assez vite. Moi, je l'ai ouais. fait en 2 mois et demi. Quelque ouais. chose comme ça. Tu fais 50 heures en 2 mois. Ah, ouais, ouais, mais moi, j'ai gâché toutes mes vacances d'été pour ça. Putain, tu vois. C'était vraiment cher. Ouais. Par contre, ma soeur, elle s'est donnée, je crois, 8 mois pour ça, tranquille. Ouais. Et du coup, elle a fait peut-être un cours. Semaine ou un cours tous les 2 semaines ouais. de conduite, et je trouve genre elle a appris quelque chose la première semaine, et après dans 2 semaines elle a tout reboulié, elle retourne à zéro. C'est vrai, je trouvais elle se développait pas d'accord dépendant. Moi, j'avais je trouve fait bien conduite plus... accompagnée, c'était parfait par contre. Conduite accompagnée, ouais. voilà, ça c'est ça important. C'est trop bien ouais. parce que t'as ton coup, t'as tes 2 heures par semaine. Et à côté, bah, t'es avec ta mère et puis tu conduis à droite, à gauche pour aller faire les courses, pour aller à tout ça. Du coup, en fait, en faisant de la conduite accompagnée, t'as quand même raté ton permis. Ouais. Ouais, mais pas grand-chose. C'est juste le moniteur, attends, celui qui l'examinateur. Attends, conduite accompagnée, c'est quand même avec le permis. Non. En fait, le principe de la conduite accompagnée, c'est en France, t'es autorisé à avoir ton permis. Bon, je crois que ça a changé maintenant. Mais que à partir des 18 ans. Ouais. Mais le principe de la conduite accompagnée, c'est qu'en fait, tu fais une formation, c'est autorisé à partir de tes 16 ans. Mm-hmm. Donc là, tu fais une formation en auto-école pour apprendre à conduire. Il me semble que c'est soit 10 heures, soit 15 heures, soit 20 heures. Enfin, c'est vraiment, c'est pas grand-chose comme heure de conduite, où là, tu apprends quelques bases. Et ensuite, pendant 2 ans, tu te perfectionnes en fait avec, un adulte faut responsable faire, qui faut a faire plus le de. Permis avant, c'est... Voilà. S'il faut avoir... Non, faut pas faire le permis avant. C'est genre, tu ouais. as ton cours une fois par semaine et tout le reste du temps, bah, tu es avec tes parents. Et c'est tu ça. Conduis et tu dois faire un certain nombre de kilomètres. Ouais. Ah, en Allemagne, tu n'as pas le droit. En Allemagne, tu fais ton permis. Moi, je fais mon permis avec 16 ans. Mmh. Et tu as le droit de faire conduite accompagnée dès 17 ans. Ah. Tu vois. Du coup, moi, je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Je l'ai réussi. Je crois que pile quand à l'âge de 17 ans. Ans aussi. Non, et du coup, c'est 16 ans. Peut-être. C'est 16 ans. Et du coup, j'ai réussi mon PMI avec 17 ans. Ouais. Et là, j'étais encore mineur, ouais. je pouvais faire conduite accompagnée. D'accord. Tu okay. vois. Okay. Et que si j'ai déjà tout mon permis et tout est prêt, tu vois. D'accord. Mais après, oui, peut-être. 18 ans, tu ouais. te casses et tu conduis. Mais peut-être qu'effectivement, il faut que tu passes une petite épreuve avant d'être autorisé à faire de la conduite accompagnée. Mais ouais. c'est pas c'est le ton permis. Moniteur qui... Non, même pas, c'est ton moniteur qui dit bah là, voilà, maintenant vous êtes prête à faire de la conduite accompagnée. C'est lui qui s'est ah, jugé. Ah, du coup, toi, c'est ce que. Voilà. Ouais, okay. voilà. Enfin, voilà. J'ai fait une, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'heures. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il a dit bon, ok, bah c'est bon, maintenant tu sais te débrouiller. Bah, tu vas faire, par contre, c'est que avec, tes parents qui voilà, ont le droit c'est de... Ça. C'est, t'as ouais. pas le droit de conduire s'il n'y a pas une personne qui a plus de 6 mois de permis de conduire. Non, voilà. Plus que ça, il faut qu'il ne soit plus en A du tout. Ah, qui est donc 3 ans de permis ouais. de conduire. Donc, une personne qui... Voilà. Moi, c'est... Attends. En Allemagne, je me rappelle, c'était... c'est les soit un parent, n'importe quel, mais sinon tu pouvais être aussi par quelqu'un qui est soit au-dessus de 24 ans ou au moins et au moins un an ou deux ans d'expérience. D'accord. C'est pour éviter qu'il y a des petits 20 ans, petits gens de 20 ans qui partent avec quelqu'un de 16 ans au volant. Ouais, tu vois. Mais ouais, conduite accompagnée, très bien. Franchement, parce que tu as moins peur, tu prends tes habitudes. Par contre, ce qui est chaud, c'est que parfois tu prends des mauvaises habitudes. Mais voilà, c'est ça. C'est vrai. D'où le fait que je pense que la première fois, je l'ai pas eu. Enfin, j'ai fait aucune faute grave, rien. Tu étais là et tout, à mettre du rap à fond et tout. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que, en gros, ils m'ont reproché de pas assez regarder dans mes rétros. C'est juste que, moi, tu vois, je regarde, mais je tourne pas la tête comme ça. Il faut exagérer pour montrer au moniteur. Sauf que moi, je voulais plus, j'avais pas exagéré. Et la deuxième fois, j'ai exagéré comme une grosse conne. J'ai fait ça, voilà. D'accord. Et je l'ai eu à 30. Ouais. Mais un truc qui me reste collé jusqu'à aujourd'hui, c'est, je crois que c'est grâce à mon moniteur, à mon prof de conduite. Je sais pas comment il l'a fait, mais il avait soit une tapette à moustique, soit il avait un petit bâton. Quoi ? Ouais, et si je regardais pas assez dans les miroirs, genre s'il me voyait pas assez bouger, regarder autour de moi, taper comme ça contre, genre ici, contre le, ici partout, oh là là, la vieille avec la tapette à moustique. Et l'autre truc qu'il faisait avec le bâton, c'est qu'il me donnait le rythme sur la jambe, ouais. À quel rythme je dois regarder devant et à gauche, à droite, tu vois. Okay. Du coup, il m'a dit, tous les 5 secondes, tu regardes dans un des miroirs et tu fais genre 1, 5 secondes, 2, 5 secondes, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu vois. Et du coup, il me tapait ça pour me rappeler du rythme. Et ça, honnêtement, c'est bien parce que le jour où j'avais ma conduite, même sur l'autoroute, il te demande que tu regardes tout le temps autour de toi. Ouais. Parce que il y a tout moment quelque chose qui peut dérailler, tu vois. Et grâce à ça, ça m'arrive que pendant, même quand je suis capote en train de conduire, j'ai ce rythme dans la tête. Putain, c'est trop bien. Est-ce que du coup en Allemagne vous avez ce machin, parce que j'avais vu ça sur internet, le réflexe danois d'ouvrir la porte avec la main droite? Non. C'est une pratique, en fait, il me semble, c'est pour... Comme ça pour voir les... Pour exactement, voir les, en fait, le fait que au lieu d'ouvrir la main avec la porte avec ta main gauche, le fait d'ouvrir avec la main droite, ça t'oblige à faire une rotation, en fait, de tout ton torse, et en fait, ça t'oblige à bouger ta tête et avoir un regard coin, en quelque sorte, pour voir si t'as des cyclistes ou t'as des motos, en fait. Même quand tu sors et que t'es garé le long d'une route, si y a une voiture qui arrive. Ouais. Et ça, du coup, c'est même obligatoire que les moniteurs mettent en place ça directement pendant les heures de conduite, en fait. C'est, ils disent, ah non, t'as pas ouvert ta porte de la bonne manière, faut l'ouvrir avec la main droite. Ouais. Pour, C'est bien. Ouais, ouais. Ils ont pas les bons réflexes en France. Bon, on n'a pas autant de vélos et tout non plus, donc... C'est vrai. Ouais, mais ça, je trouve triste. Si tu vas par exemple aux Pays-Bas, tu vas voir partout au long des autoroutes, il y a des moyens pour cycler. Oh, tu vois, bien. Partout. Tu vois, à Amsterdam, il y a même plus de chemins pour cyclables que routières, je trouve. Ma tante, qui a une maison à la plage de néerlandaise, c'est plus facile d'aller en vélo jusqu'au prochain village. Prendre la voiture, parce que la voiture, tu es forcé de prendre un petit chemin à 40-50 à l'heure, pendant que le vélo, si, mais faut tu peux prendre des beaux chemins de vélo et tu fonces. Je crois que c'est parce qu'on a débranché un truc. Ouais, on a débranché, c'est là. Est-ce que vous voulez un mot de la fin? C'est quoi? Un mot de la fin. C'est quoi un mot de la fin? Une conclusion. Baiser, c'est bien. C'est bon pour le moral. Merci beaucoup. C'est bien pour la santé. À plus. Un grand merci à Colin et Max pour avoir accepté de passer devant mon micro. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, PodCloud et les archives d'Internet. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un pouce bleu et de le partager. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sometimes that's